devons être toujours reconnaissants envers notre Seigneur, notre Dieu, pour chacune des secondes qu'il nous accorde son souffle et de ce que nous sommes comptés encore parmi les êtres vivants, pour la grâce qu'il fait dans notre pays, pour notre avantage, et de ce que, par sa grâce, nous sommes comptés parmi le troupeau de son pâturage. Nous n'avons rien fait pour arriver jusqu'ici, c'est rien que sa grâce, et sa grâce, rien que sa grâce, par le sang du Seigneur Jésus qui nous couvre. Nous devons lui être reconnaissants pour la paix qu'il nous accorde de vivre au Cameroun. Et pour ce que, tout ce qui se passe, il est au contrôle. Et par sa grande miséricorde, il nous avertit avant que la chose n'arrive. Il nous éveille, il attire notre attention. Nous devons lui être reconnaissants. Reconnaissants de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Reconnaissant de ce qui s'est fait Dieu pour nous, dans l'esprit comme dans la chair, de ce qui s'est donné lui-même comme modèle parfait, par excellence, le Dieu créateur dans la création étant créature lui-même. Il s'est fait chair pour marcher parmi nous, plein de grâce, pour nous montrer le modèle parfait, ce qu'il attend de ses créatures. Il n'a jamais cessé de prier quand il était dans la chair. Et jusqu'au ciel, il intercède encore en notre faveur. Nous devons lui être reconnaissants. Nous devons nous plaire de lui appartenir. Lui dire merci de ce qu'il a permis ça, que nous soyons comptés, comme je l'ai dit, parmi le troupeau de son pâturage. Même si nous sommes chétifs, nous devons nous plaire dans notre position qu'il a choisie. Mais ce qui devrait réconforter et plaire à notre cœur, c'est de ce qu'il a permis que nous soyons parmi le troupeau de son pâturage. Ah, c'est lui seul qui veille sur notre âme, sur notre corps, sur notre esprit. Et c'est lui seul qui ne cesse de nous bénir abondamment. Durant des années, nous vivons sur sa bénédiction. Et durant toute la journée, il ne cesse de nous garder dans son amour. Et il fait pleuvoir abondamment ses multiples grâces sur nous. Durant toute la journée. Et nous, voyons, nous en rendons toujours témoignage. Donc nous devons lui être reconnaissants. Élevons la voix vers lui. Et présentons nos prières de reconnaissance. Seigneur notre Père, notre Dieu et notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre grand Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour chacune des secondes où tu nous accordes, tendre Père, à être compté encore parmi les êtres vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour chacune de tes grâces aux yeux que tu as fait reposer sur nous des années après années jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, jusqu'à présent, Seigneur. C'est toi qui nous gardes dans ton amour. C'est toi qui nous gardes par ta grâce et miséricorde. C'est toi qui nous fais voir les graisses, de vivre les graisses de ta grâce chaque jour. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Merci Père pour ce que nos yeux voient. Merci Père pour ce que nos oreilles entendent. Merci Seigneur pour ce que notre bouche parle. Merci Seigneur pour ce que nos mains touchent et nos membres ressentent. Merci pour tout ce que tu accordes comme joie, comme paix, aussi comme tristesse en notre cœur. Afin que nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes faillibles en toutes choses. Mais que c'est toi seul, l'alpha et l'oméga, qui est infaillible. Tu es le Dieu tout-puissant et satisfait dans ton œuvre. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Merci parce que tu nous accordes, ô Dieu, de pouvoir élever notre voix vers toi, ayant nos cœurs tournés vers toi pour t'implorer, pour te prier. Merci parce que tu nous as fait quitter les ténèbres et tu n'as point permis, ô Seigneur, que nous continuions à adorer des arbres verts et des pierres ou des crânes. Mais tu nous as tourné vers toi qui est le véritable et l'unique, afin que nous présentons en toi, Seigneur, notre prière. Merci parce que tu nous aimes pour nous enseigner la bonne façon de te prier. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Tes offres sont indénombrables, Seigneur. Elles sont incontables, ô Dieu du ciel et de la terre. Et notre bouche est très petite, Seigneur, pour te présenter convenablement, Seigneur, le désir, la joie qui se trouve en nous. Ce que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu, ce que nous avons appris de toi, Seigneur, est infiniment grand et merveilleux. Nous te disons merci. Merci pour cette grâce, ô Dieu du ciel et de la terre. Merci, Père, de ce que dans cette génération pervertie et corrompue, Seigneur, tu nous as mis à part, tu nous as lavé et tu nous as enseigné les voies de la justice. Merci parce que tu nous maintiens dans cette voie-là. Merci, Père, parce que le chemin que tu as tracé au-devant de nous, toi-même, tu ne cesses de nous garder, de nous nourrir, de nous fortifier, Seigneur, sur ce chemin, afin que nous marchions, ô Dieu, juste et saint, sans nous décourager, sans nous détourner ni à gauche ni à droite, mais toi-même, tu fixes nos cœurs vers l'objectif, vers la personne glorieuse de notre vie entière sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour la santé que tu nous accordes, et à nous, et à nos enfants, et à nos familles. Merci parce que tu gardes nos cœurs, qu'aucune nouvelle tragique, ô Seigneur, ne vienne troubler la paix que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour cette grâce, merci pour chaque membre ici présent, merci pour notre frère, nos frères qui sont partout dans le monde. Merci pour tout cela, ô Dieu, qui invoque ton nom d'un cœur pur. De ceux-là qui se détournent de l'iniquité pour se consacrer à toi. Merci Seigneur pour toute ta grâce que tu fais reposer sur nous. Merci, ô Dieu juste et saint, pour ton amour profond pour nous. Père, notre cœur est dans la joie et nous sommes dans la joie pour te présenter nos prières de reconnaissance. Et nous te supplions, Père, de recevoir avec joie, Seigneur, notre peu de mots que nous avons présentés au-devant de toi pour t'être reconnaissant. Reçois cela, Seigneur, avec joie, car le désir de notre cœur, c'est de toujours offrir en ta présence des sacrifices qui se sont agréables. Merci, Père, parce que tu agrées notre prière de reconnaissance. Merci, Seigneur, parce que tu as permis cela en ce jour. Tout l'honneur et la gloire te revient, Majesté, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Voilà, nous devons continuer dans la prière. Souvenons-nous qu'il est de notre avantage que nous prions pour notre pays. Souvenons-nous que ce ne sont pas les gardes-corps, l'armée qui garde le roi, mais c'est le Seigneur lui seul. Souvenons-nous qu'il est de notre devoir, étant la lumière du monde, de briller, afin que les ténèbres puissent aussi profiter des graisses de la grâce de notre Seigneur qui repose sur nous. Amen. C'est la lumière qui éclaire. C'est la lumière qui éclaire. Et quand la lumière éclaire, elle attire des insectes. Parce que même eux désirent être sur la lumière et dans la lumière. Et si c'est nous qui sommes la lumière du monde, nous sommes censés éclairer. Amen. Amen. Notre, par la grâce du Dieu vivant, il nous a doigté que notre pays est en danger. Notre pays est en danger. Et si le pays est en danger, il vient de dire que nous sommes en danger. D'accord? Parce que ce n'est pas pour le pays, c'est pour nous là. Nous pouvons dire nous sommes gardés en Christ. Chose qui est vraie. Ça, c'est notre esprit et c'est vrai. Mais nous aussi, nous avons la chair. Ça veut dire, si un membre de notre famille est touché, ça repose aussi sur nous. Donc, élevons la voix vers le Seigneur notre Dieu pour le supplier. Pour le supplier. Que si telle est sa volonté, c'est-à-dire son dessein arrêté, que notre pays doit être secoué, qu'il puisse étendre la main, que cela ne soit pas au-delà de nos forces. D'accord? Puisqu'il a une volonté, il a sa volonté. D'accord? Qu'il étende sa main pour nous consoler, pour préserver que la chose ne soit pas au-dessus de nos forces. D'accord? Prions au nom du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, notre roi, par ton merveilleux nom, nous ferons mieux de nous prosterner là vraiment. Sans vous coucher pour dormir, priez. Priez. Souvenez-vous qu'il est écrit, maudit est quiconque fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Et maudit est celui-là qui détourne son épée dans le combat. Donc chacun de vous a l'épée entre les mains. Vous devez combattre comme des soldats dans la prière. C'est notre force. Seigneur notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons à toi, Père, nous réfugier dans ton nom puissant et glorieux. Ce nom qui est notre tout fort, Seigneur, dans lequel nous nous réfugions et nous nous trouvons en sûreté. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, puisses-tu nous avoir fait grâce de nous révéler, Seigneur, la pensée de l'ennemi vis-à-vis de notre pays et qui se tourne vers nous. Nous venons à toi, source de vie, source de respiration, source d'existence, nous confier en ton nom, Père. Nous savons que rien n'arrive sur la terre sans ta volonté. Et rien ne peut arriver sans que ta main, ô Dieu, n'ait été. Seigneur notre Père, nous ne prions pas que ta volonté ne soit pas accomplie, mais nous prions, Seigneur, que ta volonté soit accomplie. Mais de même, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Dieu juste et saint. Connaissant nos faiblesses et nos limites, ô Dieu, nous savons, Père, que nous sommes chers et nous sommes faibles. Nous avons toi qui est notre force, notre puissance et notre refuge. Nous venons à toi, Seigneur, nous refugier dans tes ailes, Seigneur. Nous te prions, Père, que tu étendes ta main. Et quel qu'en soit ce qui doit arriver, Seigneur, quel qu'en soit ce qui est, ô Dieu, qui a été décrété d'en haut pour faire son accomplissement sur la terre, Père, veille accorder ta grâce et ta miséricorde. Que ta grâce et ta miséricorde parlent en notre faveur, Seigneur. En notre faveur pour notre pays, le Cameroun. Ce n'est pas dans les armes que l'homme se confie et se trouve en sûreté. Ce n'est pas dans la multitude, la force des armées, ô Dieu, que l'homme se confie pour être en sûreté, mais c'est uniquement à toi, Seigneur. Cela est possible, ô Dieu du ciel et de la terre. Cela est possible. Seigneur, par ta grâce, préserve-nous. Nous reconnaissons Dieu juste et seul avoir péché contre toi. Oui, il est normal que, Seigneur, que ta colère vienne sur nous. Mais Père, grâce et miséricorde. Seigneur, ne te laisse pas, ô Dieu, emporter par la colère, car nous serons détruits. Seigneur, que ta main ne soit pas pesantie sur nous, Seigneur, nous retournerons certainement à la poussière. Dieu du ciel et de la terre, Père de toute consolation, nous savons, Seigneur, que toutes choses te sont possibles. Père, que ta grâce parle en notre faveur. Que ta grâce parle en faveur du Cameroun, Seigneur, notre pays. Que ta grâce parle en faveur du Cameroun, notre pays. Et que ta miséricorde vienne sur elle, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais en sorte que, ô Dieu, que quel qu'en soit ce qui arrive, Seigneur, que ta main soit au-devant de cette situation, Seigneur, pour apaiser, ô Dieu, pour apaiser le degré de la colère, pour apaiser le degré de la fureur, Dieu du ciel et de la terre, afin que nous puissions respirer et afin que, ô Dieu, tous les cœurs puissent se tourner vers toi pour donner gloire à ton saint et merveilleux nom. Seigneur, nous te supplions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'être miséricordieux envers nous. Continuons à nous repentir. Repentez-vous en faveur du Cameroun. Nous devrons plaider cela. Père, nous savons que nous avons péché. Seigneur, dans ce pays, le Cameroun qui est ton pays, que tu as établi, nous savons que nos chefs d'État, nos gouverneurs, lui, nos magistrats, Seigneur, se sont détournés de toi. Ils se sont détournés, Seigneur, pour en faire de ce pays ce qui leur plaît et ce qu'ils pensent. Ô Dieu, et nous savons que, Père, un pays ne peut être relevé que par la justice. Oui, et si nous ne pratiquons point de justice, Seigneur, certainement, ta colère va descendre contre nous, car tu hais, ô Dieu, l'injustice, tu hais toute iniquité. Seigneur, nous savons que nous avons commis au-devant de toi l'iniquité. Nous savons, Père, que ce pays, ô Dieu, s'est voué pour servir des idoles, pour servir, ô Dieu, ton ennemi, le diable, et non toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que ce pays, ô Dieu, les magistrats, les gouverneurs, les présidents, ô Seigneur, ont versé beaucoup de sang, ô Dieu, pour attirer sur eux, sur ce pays, la colère. Mais Père, rien ne surpasse ta miséricorde, Seigneur. Rien ne surpasse ta compassion, ô Dieu du ciel et de la terre. Veuille compatir en notre faveur, Seigneur. Que ta miséricorde vienne sur nous et pardonne à notre pays, le Cameroun, ses iniquités. Pardonne, Seigneur, à notre Cameroun, ô Dieu, ces iniquités à notre pays, Père, nous te supplions. Nous te supplions, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ta colère ne soit pas, ô Dieu, ne soit pas appesantie sur ce pays, Seigneur, mais que ta compassion et ta miséricorde parlent en sa faveur, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons, ô Dieu, que ce peuple, au lieu de te servir de tout le cœur, serve des idoles. Ne passe le temps, ô Dieu, à faire toujours tout ce qui t'énerve. Ce pays s'est livré à la prostitution. Pour se prostituer avec des arbres verts, avec des pierres, avec toute forme de souillure. Ô Dieu, dans ce pays, il est juste que ta colère vienne sur ce pays. Mais Seigneur, grâce et miséricorde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, grâce et miséricorde sur ce pays, notre pays, nos Cameroun. Père, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Que ta miséricorde vienne sur nous, Seigneur. Et que ton amour parle en notre faveur, ô Dieu. Parce que nous croyons, ô Seigneur, que si tu détournes ta colère de nous, si tu uses de patience encore envers nous, Seigneur, nous parviendrons à nous tourner vers toi. De tout notre cœur, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu juste et saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous souvenons, Père, que tu es le Dieu juste, qui ne fait point périr le juste et l'injuste, Père. Oui, tu es le Dieu juste qui ne fait point périr le juste et l'injuste, Seigneur. Seigneur, qui s'y trouve, s'il s'y trouve en ce pays, quelques poignées de juste paix, qu'à cause de, ô Dieu du ciel et de la terre, que ta miséricorde parle en faveur de ce pays, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il s'y trouve quelques poignées jusqu'à cinq, même jusqu'à un seulement paix, que ta miséricorde, ô Dieu, vienne sur lui, que ta miséricorde vienne sur ce pays à cause de ce juste-là, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agrée notre prière, Seigneur, et détourne ta colère de nous. Agrée notre prière, Père, et détourne ta colère de nous. Que ta miséricorde vienne sur le Cameroun. Que ta compassion soit sur notre pays, le Cameroun. Que ta grâce repose sur elle, Père. Et que tu sois encore patient envers nous, Père. Que tu sois apaisé envers nous, Seigneur, et prolonge ta grâce. Prolonge ta grâce, Père, afin que ta grâce puisse, ô Dieu, nous permettre de voir ta face. Afin que ta grâce puisse nous fortifier, ô Seigneur, de nous approcher davantage de toi. Toi le seul Dieu juste et saint. Toi le seul miséricordieux. Toi le seul Dieu gracieux. Merci, Père, parce que ta miséricorde vient sur nous. Merci, Père, parce que ta voix, ô Dieu, notre voix est entendue au-delà. Merci, Père, parce que tu as envoyé ta parole vers nous pour nous allaiter. Merci aussi, Seigneur, parce que tu as permis, ô Dieu, que nous puissions nous prosterner et implorer ta grâce en faveur de notre pays. Merci, Seigneur, parce que tu nous exauces. L'honneur et la gloire te revient, Majesté, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous devons encore prier en faveur de notre chef d'État. Et en faveur de tous ses serviteurs, c'est-à-dire du ministre jusqu'au chef de bloc. D'accord? Puisque tous ont péché, certainement, mais Dieu est notre Seigneur pour leur pardonner et pour changer le cœur, parce qu'il a dit que le cœur du roi est entre ses mains. Alléluia! Il incline là où il veut. Prions que notre Père puissent toucher leur cœur, puissent détourner leur cœur du mal et les conduire vers la vérité. Parce qu'il est bon, si notre Dieu pardonne, nous prions, il est bon pour pardonner. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est que s'il nous pardonne et que nous ne nous détournons pas de notre mauvaise façon de vivre, certainement sa colère viendra encore plus. Vous me suivez, n'est-ce pas? Nous devons prier que notre Seigneur détourne leur cœur de la méchanceté, de l'iniquité. Et qu'il les conduit dans la justice afin que tous puissent exercer la justice pour la crainte de Dieu et pour son amour pour ce pays. Alléluia. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Nous élevons la voix avec toi, Père, d'un commun accord. En faveur, Seigneur, de toute autorité que tu as établie dans tes fonctions, Seigneur, dans ce pays. Pour toute autorité que tu établis dans ton service, Seigneur, dans ce pays, afin qu'il puisse conduire le peuple dans la droiture, dans la justice et dans l'honnêteté, Seigneur. Mais Père, voici que ces magistrats, ces autorités que tu as établies, Dieu juste et saint, se sont détournés de toi. Ils se sont détournés de toi, Père, pour suivre la voie de l'iniquité. Nous savons, Père, que tu es l'iniquité. Nous savons, Père, que si qui que ce soit que tu as établi à ton service, Père, se détourne, ô Dieu, de l'ordre des commandements, des prescriptions que tu les as donnés et se tourne vers l'iniquité, Père, c'est pour attirer ta colère contre eux et contre le pays. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te supplions, Père, de pardonner à nos autorités, à toute autorité du Cameroun, Père. Depuis le chef de l'État qui est le président Paul Biya jusqu'au dernier chef de bloc, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te supplions d'étendre ta grâce vers eux, Père, et de leur pardonner, ô Dieu, de toute iniquité qu'ils ont commise, de toute injustice, Seigneur, et de toute, oh Seigneur Jésus-Christ, de toute cupidité qui est attachée sur leur cœur. Oui, Seigneur, c'est à cause de ça que ta colère vient sur ce pays. Nous te prions de leur pardonner. Car c'est par ignorance qu'ils l'ont fait, Seigneur. C'est parce qu'ils ne t'ont point connu, toi, le Dieu du ciel et de la terre, dont ta puissance et ta main dominent sur le règne des hommes. C'est parce qu'ils ne t'ont point connu, Seigneur, qu'ils ont commis des abominations à tes yeux. Mais Seigneur, ce peuple de poignets prosternés en ce lieu, Seigneur, à cet instant, élève la voix vers toi pour implorer ta miséricorde en leur faveur. Père, veille leur pardonner au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-leur toutes les fautes, pardonne-leur toutes les iniquités, pardonne-leur toutes les abominations. Et de même, Seigneur, détourne leur cœur, ô Dieu, de l'iniquité pour leur tourner vers les voies de la justice, vers les voies de la droiture, les voies dont tu approuves, les voies dont, Seigneur, tu aimes, ô Dieu du ciel et de la terre. Veille les détourner, Père, nous te supplions, afin que, ô Seigneur, ils puissent se détourner et que ta colère se détourne et toujours d'eux, Seigneur, que ta colère se détourne éternellement de ce pays, Seigneur, ô Dieu du ciel et de la terre. Mais que ta grâce et ta miséricorde viennent sur eux. Pardonne à notre chef d'État, pardonne à tous ses ministres, pardonne, ô Dieu, à nos magistrats, à nos gouverneurs, jusqu'à nos chefs de bloc, Seigneur. Pardonne aux chefs de quartier et pardonne aussi, Seigneur, l'iniquité de tous citoyens camerounais. Veille leur pardonner, car c'est par ignorance que nous nous sommes livrés, ô Dieu, à l'injustice pour accomplir les œuvres de l'iniquité. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu prends nos prières à cœur. Merci parce que tu nous pardonnes. Merci parce que tu leur pardonnes. Merci parce que, par ta grâce, tu détournes ta colère contre ce pays. Merci Seigneur pour cette grâce merveilleuse que tu nous as accordée. L'honneur et la gloire te reviennent dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Nous devons prier. Observez ce tragique événement qui s'est produit dans ce pays. Le train, la route qui se coupe d'un seul coup, et le même jour, le train qui fait écraser des familles. Ceci n'est pas au hasard. Cette voie ne s'est pas rompue au hasard. Il y a quelqu'un qui est caché dans l'ombre pour manipuler. Des êtres sont seulement, des hommes sont inconscients. Mais ces êtres sont assoiffés de sang. Et voici les mois qui sont au-devant de nous. C'est un mois que nous tous nous connaissons que ce sont des mois de sacrifice. Chaque année, cela est pareil. Dans les marchés, actuellement, si vous entrez dans les marchés, si vous regardez les commerçants qui disent trafiquer, qui font de ceci et de cela, vous savez que c'est ce moment qu'ils entrent dans des loges noires pour pouvoir puiser des ressources et s'enrichir en mois de décembre. Prions que le Seigneur rend nul et sans effet tout dessein masqué qui est dans les ténèbres et qui va faire son accomplissement dans notre vie, dans ce pays. Que le Seigneur rende cela nul et sans effet. Alléluia. Amen. Et que tous nos frères et sœurs, tous nos membres de famille que l'ennemi a conçu des desseins pour les livrer et profiter de leur sang, que le Seigneur Jésus rende cela nul et sans effet, afin qu'ils sachent qu'il est celui qui est, qui était et qui sera. Alléluia. Amen. C'est lui qui ordonne n'importe quoi afin que cela fasse son accomplissement sur la terre. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce moment de grâce que tu nous accordes de passer devant ton trône béni. Merci pour chacun des sujets de prière que tu mets à notre cœur avant que nous élevons cela vers toi Seigneur pour être secouru dans nos besoins. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, merci pour la grâce et la sensibilité que tu accordes à notre cœur afin que Dieu juste et saint, nous soyons vigilants pour te supplier de tendre ta main et de fermer toutes les portes que l'ennemi a ouvertes contre ce pays afin, ô Dieu, de nous troubler. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te supplions, aimable Père, d'étendre ta main et de rendre nul et sans effet tous les desseins de l'ennemi masqués contre ce pays. Nous te supplions, Père, de rendre cela nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur dessein soit voué à l'échec. Que leur dessein soit voué à l'échec. Que le trouble, ô Dieu du ciel et de la terre, soit dans le camp de l'ennemi. Afin que ce temps passe inaperçu à ses yeux. Afin qu'aucun d'eux ne s'en rende compte, ô Seigneur, de que que tout ce qu'ils ont planifié ne s'est point accompli. Parce que toi seul, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui doit ordonner toutes les choses afin qu'elles fassent son accomplissement sur la terre. Seigneur, nous te supplions de préserver tous nos frères et sœurs, nos membres de famille, ô Dieu, contre les griffes et les pièges du diable. Oui, Dieu du ciel et de la terre, nous savons que, Seigneur, chaque mois, chaque année, à chaque période ici, Seigneur, il sacrifie des âmes, il sacrifie des familles pour accomplir leur dessein d'iniquité. Seigneur, nous te supplions de leur préserver tous, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'ennemi, que la honte, ô Dieu, leur soit jetée sur le visage, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tous sachent que tu es le Dieu qui est, qui était et qui sera. Qui est le seul qui ordonne afin que la chose fasse son accomplissement sur la terre. Et que c'est seul ton dessein, Père, qui doit s'accomplir sur le ciel du Cameroun, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De même, nous te supplions pour nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, qui sont partout dans le monde. Oh Dieu, qui soupire vers nos frères et sœurs que l'ennemi a porté des regards au Seigneur pour leur sacrifier, pour leur troubler, pour leur vouer à l'échec, Père. Nous te prions d'étendre ta grâce vers eux, Seigneur, et de leur garder sur ton ombrage, Père, afin que tout soit en sécurité, et eux et leur famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Père, d'étendre ta grâce vers tous ceux qui t'appartiennent sur la terre, jusqu'aux extrémités du monde, Père. Tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux sur qui ton nom est invoqué, tous ceux-là qui se prosternent et invoquent ton nom, Père, nous te supplions, Seigneur, notre Dieu, que ta grâce étende jusqu'à eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu les préserves, et eux, et leur famille, et leurs biens, et tout ce qui les appartient, Père. Et que le dessein de l'ennemi, dans l'obscurité, dans les ténèbres, soit voué à l'échec. Que cela soit nul et sans effet, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'en tout lieu, que la gloire et l'honneur te revient à toi et à toi, ce Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tout sache, Père, que c'est toi qui domine sur le règne des hommes. Que c'est toi dans les cieux, dans le ciel, qui domine sur le règne des hommes sur la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Majesté. Merci, Honorable Père. Merci, Dieu de justice. Merci, Dieu de toute consolation et de toute miséricorde. Merci de ce que ta miséricorde parle en notre faveur. Merci de ce que ta grâce vient sur nous, sur tous ceux qui t'appartiennent, sur tous ceux-là qui invoquent ton nom, tous ceux-là sur qui ton nom est invoqué. Merci parce que ta grâce est tendue jusqu'à eux. Merci parce que tu as exaucé nos prières et que tu les gardes sur ton ombrage. Merci parce que tu as donné ton nom comme une tour forte. Et nous nous refugions en ton nom et nous nous trouvons en sûreté. Merci pour cette grâce merveilleuse. Merci pour ta grande miséricorde. Toute l'honneur et la gloire, la puissance et le pouvoir, la force et la domination t'appartiennent, Seigneur notre Dieu. Oui, c'est à toi seul et à toi seul le règne et la louange. Pour toujours et à toujours, dans toutes les siècles et dans toutes les éternités. Toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Veillons nous asseoir, bien-aimés frères. Courage pour vos genoux qui font mal, d'accord? Courage vraiment et sachez que le Seigneur a les yeux sur nous. Amen. Et tout ce que nous faisons, il le voit. Et il ne nous impose rien qui est au-delà de notre force. Vous devrez, chacun pour sa part, rentrer et continuer dans la prière. D'accord? Comprenons ceci. Nous sommes l'armée du Seigneur. Israël était son armée physique. Et regardez, chaque fois qu'il devrait aller en combat, on passait la troupe en revue. Et chacun s'armait de son âme. Nous sommes d'accord. En ce jour, sachez-le, que chacun de nous est responsable de tout ce qui se passe dans ce pays. C'est notre pays. Et chacun de nous a son épée en main. Il est écrit dans ce livre de Jérémie. Maudit est quiconque fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Et il dit maudit est celui qui met son épée dans le four pendant le combat. Donc ça veut dire n'aime pas les portes. Nous devrons, notre épée de combat sont les prières. parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Cela n'a rien à y voir. Nous devons lutter contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants. Il a dit, ils sont où? Dans les lieux célestes. Parce que c'est là-bas qu'ils s'arrangent pour tout faire sur la terre. Et cela retombe sur nous. Mais étant les disciples, les soldats du grand roi, il nous a donné la voie par excellence. Alléluia. Et nous devons suivre cette voie-là. Dans les prières, nous devrons déstabiliser le dessein. S'il nous a fait grâce de nous révéler cela, c'est afin qu'ensemble nous combattons. Le Seigneur seul a montré plusieurs fois dans la loi qu'il envoyait son peuple, il partait combattre. Et il remportait, mais il ne partait pas sans lui. Il y avait des fois qu'il disait, restez calme, je combats. Le peuple constate qu'il l'a combattu, il a remporté la victoire. Donc il y a des combats que le Seigneur fait seul. Il y a des combats qu'il a besoin de nous. Alors s'il nous révèle, c'est pour dire, voilà votre tâche. Et si chacun se couche sur son épée, sachant que le Dieu du ciel est juste. Et il donne à chacun selon son œuvre. Il donne à chacun selon son œuvre. Il est le seul qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Donc ne restez pas chez vous, dites non, on est le Seigneur, il voit et il entend. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît, il voit tout. Il voit, il connaît. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur vous soient multipliées. Amen. Et que la communion du Saint-Esprit soit toujours avec nous. Amen. Amen. Amen. Amen. Frère, viens. Tu ne parles pas, tu viens nous raconter ce qui s'est passé à Yaoundé. Tu étais à Yaoundé, non? Oui. Est-ce que vous l'avez vu ici depuis? Non. Et comment il vient, il vous surprend seulement dans la prière, vous bombardez avec la prière, vous bombardez avec la prière. Qu'il nous dit d'abord ce qui s'est passé à Yaoundé. C'est pas ça, hein? C'est ça. Mais c'est pas incroyable. Gloire à Dieu. Alors, déjà merci, vraiment merci pour cela. Tous les frères du Yaoundé et les sœurs, elles sont nombreuses. Vous passez les salutations. Amen. Je crois qu'il va falloir qu'on déménage. On pense, toi et moi, on va à Yaoundé, on passe un temps à Yaoundé parce que ceux-ci sont déjà bien. Ah oui. Ils en ont besoin. En fait, ils ont faim et soif. Il y a même le pasteur là-bas. Le frère William, le frère Gidas même. Frère Gidas. Alors, tous vous aiment et tous souhaiteraient être à votre place. Parce que quand ils écoutent les enseignements, leur cœur dit Douala, mais comment faire avec? Alléluia. Amen. Tous vous passent leur salutation d'amour, de cœur. Mais ils sont de même cœur avec nous. Et ça ne peut qu'être ça, n'est-ce pas? Parce qu'ils invoquent le même Dieu que nous. Et le nom du Seigneur invoqué sur nous comme sur eux. Donc tous vous portent à cœur. Et si le Seigneur permet un des jours, on s'y rendra. La preuve, il y a l'un de nos frères là, le frère Gilles, vraiment, qui doit bientôt se marier. Donc préparez-vous. L'heure sonne, tout le monde y va là-bas. Que le mariage soit honoré de tous. Voilà, tout le monde connaît ça. Alléluia. Voilà. À Yaoundé, les choses merveilleuses se sont passées au-delà de ma pensée, moi qui y allais, et au-delà de ce que je pouvais m'attendre. En effet, il a été donné par notre Seigneur que je devais m'y rendre. En partant, je n'avais rien sur quoi je m'appuyais, sauf lui, sur sa parole. Il a dit va. Et je le faisais confiance. Alors, je suis arrivé là vendredi, un des samedis, un des dimanches, on était rassemblés de 9h jusqu'à 20h, imaginez. 9h jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aucun d'eux ne désirait rentrer chez lui. Si il dit maintenant qu'il proche jusqu'au matin, vous avez comme ça dit que je dis 9h à 20h et personne ne voulait rentrer. Tous étaient tranquillement assis. Oh, que le Seigneur les fortifie. Et samedi, c'était comme ça. Dimanche, c'était comme ça. Il y a donc une jeune sœur que la fois passée où on était là, la première fois même, au jour de sa... Je vais cacher son nom afin que tout le monde ne la regarde pas avec... Voilà. Cette jeune sœur-là, le jour où nous sommes arrivés, la première fois, et que le Seigneur se mouvait pour les rendre libres... Le jour qu'on est allé pour le cas de la maraboule. Oui. Pour le rendre son peuple libre. Cette jeune fille-là particulièrement, elle était là avec son bébé. Jusqu'au moment où on a commencé la prière, l'enfant a commencé à s'agiter. Quand il voulait sortir, le Seigneur m'a fait voir que non. Fais-la rentrer. J'ai pris dans l'enfant. J'ai dit, retourne, retourne. Ne quitte pas ces zones-ci. Elle est entrée, elle était même la première à être délivrée. Vous voyez comment l'ennemi... Arrêtons d'abord, explique quelque chose. Avant que tu continues là. Vous voyez, on est dans la prière. On enseigne, c'est le miroir de la femme. L'enseignement sur le miroir de la femme. On a fini d'enseigner, on a fini d'enseigner. Flash a prié, je crois très bien. Et puis je suis venu dans la prière. Il dit, ok, Satan, il vous défie, mais il te défie maintenant de sortir des vies de ces chrétiens. Alors, pendant qu'on est dans le processus, subitement, la femme qui était là avec l'enfant commence à pleurer. Et par conséquent, il fallait qu'elle sorte. Quand elle sortait, le Saint-Esprit a flashé, prends cet enfant-ci. Elle a pris l'enfant, il est sorti, il entre là. C'est celle-là qui était libre en premier lieu. Vous voyez comment Satan peut utiliser les choses les plus viles pour mettre les gens de côté, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous dit, par exemple, que fermez vos portables, vous croyez que c'est anodin, que non, on ferme le portable, c'est comment? Il met sur vibreur. Vous mettez même sur vibreur. Une seule petite question comme ça que Dieu devait faire, pam, votre téléphone vibre. Le simple fait que vous faites comme ça dans la poche pour regarder, pendant que vous êtes là, vous avez perdu quelque chose. Évidemment. Vous voyez cela? Si ça avait été que non, je vais aller, si elle disait, je vais à l'enfant et que le Saint-Esprit n'a pas parlé au frère Achille, que je vais à l'extérieur pour consoler l'enfant, oh bébé, ne pleure pas, bébé, ne pleure pas, quoi que c'est le plus ordinaire. Elle va finir faire comme ça, la femme va finir, vous allez vous saluer rentrer. Elle va rentrer avec le même démon. Faisons donc attention. Continue de flécher. Voilà. Et après ça donc, samedi, nous sommes arrivés, comme je suis arrivé, on a eu vraiment les enseignements, questions-réponses, toutes leurs préoccupations par rapport à l'enseignement dernier et puis nous avons répondu. Mais quand elle est rentrée, elle suivait les enseignements à la maison. Dans l'enseignement à la maison, elle a entendu une question qui a été posée. Que tu dis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Est-ce que tu es sûr qu'il a pris? N'est-ce pas avec vous quand on parlait? Donc lorsqu'on parle comme ça, vous avez comme l'impression que c'est anodin. Mais le Saint-Esprit est de s'adresser à quelqu'un. Et pas seulement une seule personne, mais à des personnes. Mais le problème c'est que quand vous me connaissez, quand vous rentrez, oui, c'est la soirée était bonne aujourd'hui. C'était bon aujourd'hui. Cette même prière là, je crois que c'est cette prière. Oui, cette prière là. Il y a une femme là qui m'a appelé de la France avant, quand tu étais là. Elle a dit, quand elle a commencé à prier, on a commencé à prier, les mêmes enseignements que sur Internet. Elle a dit que chez elle, elle écoutait subitement. Le Saint-Esprit a dit que frère, attention, parce que pour toi, on va prier maintenant. On a commencé à prier, poum, elle est tombée chez elle en France. Tombée, vomi, s'est levée. On a dit, toi, cette femme, c'est la même chose qu'on a fait à Yaoundé. Et toi, cette femme, mets ta main là, boum, au soleil, vomi. Ça, c'est en France. Et ça a différé. Le Seigneur est merveilleux. Donc, faites attention. Mais vous êtes là, qui se tient maintenant debout devant vous. Donc faites attention. Continue, frère. Voilà. Donc, avant ce dimanche, nous avons prié. Je leur ai dit que le souhait, en fait, le Saint-Esprit me permettait de prier de cette façon pour eux. Je leur ai dit qu'après avoir cru, il faut rencontrer le Seigneur pour être réellement libre. Pour le servir avec assurance, loin de notre pensée. Alors tous étaient d'accord, nous avons prié dans cette voie. J'ai dit, voici mon désir pour vous, que Dieu vous rencontre, vous visite, afin que vous sachiez exactement qui vous servez, qui n'est pas un Dieu de pensée. Alors ce jour, au cours de la semaine, elle a donc écouté l'enseignement et la question là a été posée. Bon, je vais dire à elle, parce que la question est posée dans l'enseignement, mais elle a compris que c'est à elle ça. Ah! Vous êtes sûr que quand vous avez accepté Jésus, comme vous dites que vous avez donné votre vie à Jésus là, vous êtes sûr qu'il a pris de la question? Alors, elle s'est mise à dire, mais Seigneur, ça c'est vrai. Mais de quel côté je me retrouve? Est-ce que vrai tu agrées donc ma foi? Elle a commencé, c'était son inquiétude. Elle a commencé à se questionner là-dessus. Questionner jusqu'au point où elle s'est endormie. Avec ça sur le cœur, mais pas la grâce. Prêtez attention maintenant, parce pas la grâce. Je veux que cette témoignage si vous parlez du Cameroun. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur est venu par un songe pour la visiter. Elle, ne connaissant pas les si oui, parce qu'elle était si oui, le songe vient de Dieu ou pas, elle voulait comprendre. Alors, dimanche, elle m'a appelé après qu'on était en réunion, quand c'est fini en soirée 19h, elle m'a appelé pour m'expliquer le songe. J'ai dit oui, elle dit elle a son problème, voici elle a eu un songe. Et voici comment son songe a commencé. Elle m'a raconté le peu que je vous ai raconté par rapport à l'enseignement. C'est suite de ça qu'elle a eu ce songe. Alors elle dit, voici son songe. Elle se couche dans son lit. Elle se rend compte qu'il y a un trouble sur la terre. Et le ciel avait noirci. il y avait comme un cercle dans le ciel. Elle a vu dans ce cercle un grand dragon, farouche, qui avait, en fait, dans l'esprit, c'est comme ça, je peux la comprendre, qui avait dans son dessein de traiter le Cameroun dans ce mois de décembre. Alors, il avait les yeux rouges qui fixaient droit vers la terre, vers le Cameroun. Il avait pour dessein de traiter le Cameroun, donc il était en colère contre le Cameroun. Alors, quand elle a vu ça, elle fut troublée. Et quand elle était dans son trouble, elle disait, « Oh Seigneur, quelle est donc ma position? Je suis à toi ou je suis? Comment je suis sauvé? Où est-ce que j'irai? Si ceci s'abat sur moi, je vais aller où ?» Pendant qu'elle se lamentait, elle se tournait pour voir si oui, il y a quelqu'un comme elle au Cameroun. Elle ne voyait pas. Elle était troublée, elle ne savait où aller, voyant la fureur, la terreur que lui procurait le dragon. Alors, quand elle se lamentait, elle courait par-ci, par-là, cherchant le secours du Seigneur. Le Seigneur l'a orientée vers moi dans le songe. Elle m'a vu. Quand elle m'a vu, elle a dit, « Ouh, voilà au moins quelqu'un qui craint Dieu. » Elle est donc venue vers moi pour que j'essaye aussi de la comprendre, ce qu'elle voit. Et entre-temps, quand elle était avec moi, elle était soulagée, mais pas satisfaite. Parce qu'il fallait au moins qu'elle sache, lui ou non, si elle est sauvée ou pas. C'était son but. Donc, avant que cette colère ne s'abat, elle voulait se rassurer que oui, je sois sauvé ou pas. Donc, c'était ça son inquiétude. Donc, je n'étais qu'un soulagement pour elle, mais son désir n'était pas satisfait. Pendant qu'on était ensemble, elle essayait de m'expliquer la chose. Subitement, on s'est tourné, on a vu, c'était comme les eaux étaient partout sur la terre. Et au-dessus des eaux, il y avait un être sur le cheval. Et ce qui est, cet être avait cassé la tour Eiffel qui est en France là. Il avait mis comme une corde sur la tête et il traînait ça au-dessus des eaux. Il dit que quand il traînait, il y avait des choses qui sortaient de cette tour là et consumaient les gens. C'est-à-dire ça frappe sur toi comme l'étincelle. Comme le fer, quand vous tirez le fer sur le goudron, vous voyez qu'à une vitesse donnée, c'est les étincelles sortent. Oui. Mais là, c'est sur les eaux. Oui. Il veut venir dans un enseignement, il veut expliquer pour ce qui va arriver à la France. Par rapport à la tour Eiffel, justement, comme on a vu dans ses songes là, ce qui arrive à la tour Eiffel qui est l'orgueil de la France, ce qui va arriver, il expliquer dans un autre enseignement. Alors, avance, frère. Voilà, donc il avait cassé ça, il traînait ça au-dessus des eaux. Et ces trucs-là sortaient, ça consumait les gens. En fait, quand ça te touchait, ça te conduit, tu descendais dans les eaux, progressivement. Et qu'elle voyait ça, et le dragon farouche qui était prêt à descendre, et lui qui était sans inquiétude, mais il traînait seulement son truc, étant sur son cheval. Il avançait. Quand elle a vu le monsieur, elle a eu satisfaction. Elle est allée vers lui pour lui poser la question. Que suis-je sauvé ou pas? Si je meurs maintenant, où est-ce que j'irai? Le monsieur a fait comme s'il n'était pas avec elle. Il continuait à traîner gentiment son truc pour continuer. Elle a encore insisté. Il s'est tourné, il a regardé. Alors, je veux que vous compreniez. La personne-ci galope sur le globe terrestre. Mais il monte sur le cheval. Le cheval est en train de galoper sur l'eau. Oui. Et la corde est attachée sur la tour Eiffel. Ça a tiré la tour Eiffel un peu comme on attacherait le cheval. Et le cheval en avançant, ça a tiré. Et c'est ça, cette chose-là, la tour Eiffel qui est en train de frapper sur les eaux en avançant. Pendant qu'il avance, les étincelles sortent. Quand ça sort, ça touche sur toi, tu es purifié, tu descends dans les eaux. Ça touche sur toi, tu es purifié, tu descends dans les eaux, il avance. D'accord? Allons-y. Voilà. Quand le monsieur s'est arrêté, il s'est tourné vers elle, l'a regardé, et lui a dit une parole. « Ma fille, tu es sauvée. Va et suis mes enseignements. Ma fille, tu es sauvée. Va et suis mes enseignements. » Quand il a parlé comme ça, elle fut soulagée. Et son désir était comblé. Elle ne savait plus quoi faire dans sa joie. Elle tournait, tout. Elle était contente. Elle a oublié qu'il fallait l'adorer. Et il continuait, lui, maintenant, à galoper pour partir. Mais elle s'est souvenue que je dois l'adorer. Elle a couru pour arrêter ses pieds et signer sur pour l'adorer. Il est resté. Quand elle l'a attrapé comme ça, elle dit, « Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. » Ah, elle s'est retrouvée sur son lit avec les mains comme ça. Les mains croisées sur sa poitrine. Pourtant, il est déjà parti. Oui. Alors, quand elle est venue m'expliquer ça, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, quelle grâce, quelle portion de grâce. Et puis elle m'a dit, elle veut comprendre, quelle est l'explication. C'est là où je lui ai fait. Déjà, elle était en doute du fait qu'elle ne sait pas si c'est Dieu. Oui, si c'est. À un temps, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit que vos problèmes commencent lorsque Dieu commence à vous répondre. Parce qu'elle répond, il répond à ses manières. Et si vous parlez encore au dimanche, c'est encore grave. Parce que quand il m'a fait comme ça, tu dis, Satan, si c'est toi, je te chasse au nom de Jésus. Le Seigneur te regarde comme ça là. Et il a une façon de faire. Quand tu finis, quand il a de vouloir te dire quelque chose, il te dit que voici, que voici, que voici. Agite toi quand tu vas agir. Quand tu finis d'agiter, il finit, il te regarde comme ça là. Tu finis, il continue là-bas. Il ne te gère pas. C'est ce que tu as dit. Si le Seigneur veut un de te dire que je veux que tu ailles en Chine, en me pointant le doigt sur la Chine, tu dis que, oh Seigneur, ma maman, ma maman qui est sur le lit, elle est malade, elle va bientôt mourir. Tu, quand tu finis de babader ce que tu vas voir, il dit qu'en Chine, il y a telle personne. C'est comme ça que le Seigneur fait. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand Dieu dit cela, Dieu veut dire qu'il est au courant de tous les événements. Tu n'as pas besoin de lui informer. Tu n'as pas besoin de lui donner les informations. D'accord? Ce que nous devons faire, c'est faire. Donc, remarquez bien que cette soeur fait une prière. Et ce n'est pas n'importe quel style de prière. J'avais dit dans. Je crois que les prières fervent de juste. À une grande c'est quoi la prière fervent de juste? J'ai dit, il faut prier, regardez comme Anne. Il faut que ça soit. Que ça sort de son âme. Maintenant, cette personne si a quelque chose, une interrogation, elle passe, elle remue à l'intérieur d'elle. Pas la prière où on dit, on ouvre la bouche, on bavarde, bavarde, non. Il faut se toucher, on est quand ça touche le niveau de l'âme, il y aura la réponse. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y aura la réponse. Toujours, quand ça arrive à ce niveau-ci, il y a la réponse. Si vous lisez votre Bible dans le livre de Daniel, vous allez voir Nebuchadnezzar, ah oui, c'est déjà des choses. Nebuchadnezzar, quand il a vu la gloire de son royaume, la splendeur et la grandeur, il a fini de conquérir toute la terre, conquérir, dominer. Il pouvait rester à Babylone, il donne l'ordre, on vient tuer quelqu'un en Chine. Il donne l'ordre en Inde, on fait quelque chose. Nous sommes d'accord? Il est resté comme ça, il a dit maintenant. La Bible déclare qu'une pensée lui est montée dans le cœur par rapport à la suite des événements. À la suite des événements. Quand il est venu, il a dit, mais qu'est-ce qui va même se passer maintenant après moi? Quand il a venu, le sommeil a pris dans le lit. Le Seigneur est venu, pam, il lui a montré maintenant ses statues et autres là-bas, avec les statues qui étaient grandes et autres là-bas. Toucher ceci, après il a montré, Dieu va encore lui montrer le grand arbre. Vous voyez cela? Alors, quand l'interprétation va lui devenir par le prophète, on lui explique en disant que, enfin, les événements que vous avez vus maintenant, Dieu a montré ça à Nebuchadnezzar. Vous savez ça, frère? Jusque dans le futur, jusqu'à ce que le royaume du Seigneur Jésus vient et prend la place, on lui a montré à un roi païen. Tout simplement parce qu'il pensait lui montrer au cœur. Faites attention. Faites attention. Et prier le Seigneur avant de dominer, il ne suffit pas seulement de se mettre à genoux et dire Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Je te prie de me protéger toute cette nuit-ci. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas ça, frère. C'est pas ça. Vous ferez mieux de dormir avec des vraies questions. Vous ferez mieux de dormir avec des vraies questions sur le cœur, comme cette soeur-ci. Maintenant, elle a l'assurance de son salut. Et je dis dans les enseignements, si vous ne savez pas que vous êtes sauvé, vérifiez que vous êtes sauvé. Quand vous êtes sûr que vous êtes assis avec moi ici, vous savez effectivement que vous pouvez croire que vous êtes avec le frère Julien, avec le frère Achille ici, à réunir dans cette maison. Vous êtes sûr à 100% parce que même s'il y a n'importe quoi, vous savez au moins ce que c'est vrai. Il faut qu'on soit chez vous. C'est de cette façon que vous devez savoir si vous êtes sauvé. Parce que les événements terribles sont en train d'arriver. Il explique encore quelque chose dans son songe. Je vais revenir sur ça dans les détails avant qu'il passe au deuxième. Là. Il y a une chose. Il dit, le frère Achille raconte que quand cette femme-là a vu le frère Achille, elle était contente mais non satisfaite. Vous avez remarqué, elle était contente, mais non. C'est vrai que la communion fraternelle peut être satisfaite peut être contentée, consolée pour un peu de temps. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ dans ce livre des gens, alors qu'il a donné les instructions avant de mourir. Lorsqu'il est allé à la croix, il a dit que le monde va se réjouir et vous serez triste. Mais quand je vais vous revoir, votre tristesse se transformera en joie et personne ne peut vous ravir de cette heure. C'est ça dont il est question. Vous voyez, c'est pour ça que plus tard, on peut fouetter les apôtres. Ils sont sûrs de ce qu'ils ont vu. Parce qu'ils l'ont vu crucifié. Ils l'ont vu enterré. Ils l'ont vu ressuscité. Même si vous voyez ça, vous aussi, on vous dit quittez n'importe quoi, vous allez quitter. Le problème, c'est que nous avons le Jésus par connaissance. Je sais que tel verset dit telle chose. Je sais que tel verset dit telle chose. Mais ce n'est pas réel pour toi. Il y a un problème. Vous cessez, n'est-ce pas? Donc, vous remarquez qu'elle allait vers le frère Achille. Quand elle a vu le frère Achille, elle était contente pour un moment. Mais quand le Seigneur a dit ces choses, tu es sauvé ma fille, tu es sauvé, mais demeure dans mes enseignements. Alors, ça a changé la donnée. Maintenant, ça touche l'âme à l'intérieur. Donc, si vous voulez demeurer seulement, dire que oh, je suis dans le groupe là, je suis dans le groupe où il y a la vérité là-bas. Il peut avoir la vérité sans que toi tu ne sois pas dans la vérité. Et sans que la vérité soit en toi. Je ne sais pas si vous cessez. Recherchez le Seigneur et non un groupe. Recherchez le Seigneur et non un nom. Recherchez qui? Le Seigneur. Recherchez-le jusqu'à ce que vous le trouviez. N'essayez pas que quelqu'un vous trompe. Non, comme tu dis que, oh Seigneur, je te donne ma vie, que c'est terminé. Non. Soyez-en sûr que vous êtes assuré de la sûreté, assez sûr pour être sûr de la vérité. Amen. D'accord? Amen. Deuxième témoignage, quand tu es rentré maintenant, l'autre frère que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? Je vais revenir maintenant sur le cas. Souvenez-vous encore que dans cette vision, il est question de Dexam. C'est ça, n'est-ce pas? Que ce dragon a un projet en Dexam. Pour vous qui avez suivi l'enseignement où j'ai donné les indications pour le jeûne, vous avez remarqué quand il parlait des hommes, il dit 2 mois. Puis j'ai dit que le deuxième mois, quand on va finir ce deuxième mois, le mois de décembre va être consacré pour le Cameroun. Parce qu'il faut attraper quelque chose, il y a quelque chose. Je vais vous dire plus tard. Je vais vous donner quelques bribes maintenant. Mais il y a certaines choses qu'il a dit au frère Achille en clair. Pour une fois, je lui ai parlé en clair avant que les événements n'arrivent. Mais il y a des choses qu'il va dire seulement en parallèle. Seulement en parallèle. C'est pour ça que nous avons un rôle à jouer. D'accord? Donc remarquez qu'elle a dit décembre. C'est décembre qui est devant nous. On est arrivé. Mais le Cameroun va passer par des autres troubles à partir de ce mois, ce que nous sommes dans les 2 prochaines années. Nous sommes jeudi. Oui, le 10 octobre. 10 novembre. À partir de ce moment-ci, le Cameroun va passer par des autres troubles, des grandes autres troubles. Souvenez-vous, dans d'autres enseignements, j'avais parlé de faire attention au journal. À un moment donné, j'ai donné un truc, j'ai dit que qu'est-ce qui se trouve dans le sang. Et puis j'ai tourné encore, j'ai dit un peu que qu'est-ce que le tourbillon allait vers lui. Qu'est-ce qui se passe? Il parlait du tourbillon qui allait vers cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Mais dans son esprit volontiers, il est prêt pour partir. Bon, et j'ai dit des certaines choses, n'est-ce pas? Donc, d'exemple, je crois qu'après le témoignage du frère Achille, on va lire un verset. Et puis je vais donner les directives pour qu'on essaie d'encadrer. Je vous avais dit, il y a des choses qu'on peut arrêter la prière, comme le frère Achille a dit dans son exhortation. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais il y a des choses qu'on peut faire, étant donné que le Seigneur est miséricorde. On peut prier pour la miséricorde du Seigneur, parce que ça va secouer. Deuxième témoignage, et quand la soeur a raconté, comment elle était, quand tu lui as donné l'interprétation, comment elle était? Elle était en jaillit, donc content à l'extrême. Mais ce qui m'a aussi plu, c'est que quand elle m'avait là compris pourquoi le Seigneur a permis qu'elle me voie. Donc elle-même me dit que quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, il veut dire lancement qui vient de vous. Est vrai, ça vient de lui. Donc, elle a compris l'interprétation dans le songe. Oui, dans le songe. Que soit rassuré avec ces gens-ci. Oui, avec ces gens-ci. Que s'ils sont de moi. J'ai dit, waouh, ça c'est merveilleux. Demain, on a l'enseignement là. Que le Seigneur la bénisse et bénisse tous les autres frères de Yaoundé. Alors, j'étais aujourd'hui avec un autre frère qui s'est assis. Dieu est bon. Quand on se déplace, on croit qu'on est en train d'aller sur notre pensée. Pourtant, c'est pour accomplir son dessein. Donc, j'étais à quelque part avec l'un de nos frères. On était en train de causer. Subitement, il m'a dit, ah, j'ai même fait un songe aujourd'hui te concernant toi et le frère Junior. J'ai dit, comment ça? Il me dit, mais j'ai vu aujourd'hui, on était à quelque part dans son songe, on était assis comme au bord d'une rivière. Et on était censé donner des comptes rendus au frère Junior pour qu'il les apporte à Dieu. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit, oui, puisqu'il y a eu un événement. L'événement était tragique et très douloureux pour le pays, le Cameroun. J'ai prêté attention pour dire, mais tu veux dire quoi? Il dit oui, il a vu qu'avant qu'on ne soit là pour donner les comptes rendus, il y a quelque chose de tragique. Il a vu beaucoup de cadavres, beaucoup de gens assassinés, tués, et les grands et les enfants entassés à quelque part. Il voyait, c'est le tracteur qui venait ouvrir le sol pour enterrer les cadavres. Je regardais comme ça, il dit oui. Quand il a vu ça, bon, il fut aussi troublé. Et c'est là où ça l'a transporté. Ça nous a vu au bord de la rivière comme ça. Il fallait qu'on lui donne, qu'on remette les comptes rendus au frère Junior pour qu'il apporte ça à Dieu. Et il dit que j'ai donné mon compte rendu. Et le frère Junior disait là dans le songe que non, je ne peux pas vous supporter. Je ne supporte personne. Je vais dire seulement ce qui est droit. Donc les comptes rendus que vous me donnez, je vais les présenter au Seigneur sans contourner. Alors chacun devrait remettre ce qu'il a travaillé. Et alors, mon côté, c'est un peu fort là. D'accord? C'est quand même moi, je suis votre frère. Non? Alors il a dit que mon rapport était insuffisant. Donc ce que j'étais vrai fait, je n'avais pas fait équitablement. Il y avait un point que j'avais négligé. Et ce point-là a vraiment pénalisé. Alors, c'était à cause, dans les affaires tragiques dont j'étais censé travailler bien. Ah, j'ai fui. Donc, vous comprenez donc qu'il faut l'intercession. J'ai fui. Vous comprenez donc que nous sommes tous appelés à l'intercession. C'est pour ça que quand ils vont regarder, on néglige les choses du Seigneur, on dit prions, je vais vous blaguer. Ça me fait un genre. Tout ce que je fais seulement dans la prière, c'est que Seigneur, je dis, enlève-moi d'ici. Je vous le dis sincèrement. Quand je vois que les gens négligent les choses de Dieu, tout ce que je demande à Dieu dans la prière, je le dis seulement comme ma femme. C'est parce que Dieu m'a piégé avec la femme et les enfants. Je serais parti depuis. Je quitte ici, je vais m'enfermer quelque part dans un bout, je m'assois là-bas. Mais c'est pour ça qu'il a fait ces choses, parce que je ne veux pas que les gens travaillent lamentablement ou bien en se concentrant sur moi. Je veux que quand quelqu'un reçoit l'instruction, je lui fais ce que le Seigneur a dit. On n'a pas de temps. Il n'y a pas de temps, frère. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Les événements mondiaux vont se. Je vous avais dit une fois de plus, dans un endroit, dans un enseignement que j'ai vu, l'eau, quelque chose s'est levé, comme si le feu mélangé dans l'eau. Comme que l'eau s'est levée comme ça, que, mais, il dit ça c'est les tensions internationales sur les eaux internationales. Il dit que c'est ça qu'il dit, n'est-ce pas? Il est dans les eaux internationales, il a vu quelque chose s'élever comme c'était le feu. Donc il y aura un conflit dont le positionnement sera sur les eaux internationales. Donc les gens, les bateaux militaires qui sont sur les eaux, vous comprenez ce que je dis, c'est pas, ça ne vous concerne pas, c'est de grandes puissances. Là, mais il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé ça? C'est comme si quelqu'un fait ces choses qui sortent avec le feu et puis ça a tombé dans les eaux. On dit, toi tu as visé, tu as traversé notre eau, notre eau. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et ça crée des tensions. Et puis les militaires sont là, mais c'est dans les eaux. Dans les eaux. Pose problème. C'est pour dire quoi? Le temps est court, extrêmement court. Et même, si quelque chose fait boum sur la terre, soyons prêts tout simplement. Donc, soyons, nous n'avons pas fait négligence. D'accord, frère? Oui, donc, c'est, je vais m'arrêter là et je vais vous prier d'être fortifié dans les prières. Et pour mes frères, le temps vient où mon téléphone ne peut plus passer. Amen. Jérémie, prenons un passage là, il dit, et puis je vous donne quelques-unes des choses. Prenons Jérémie. Jérémie, au chapitre 29, je vais lire rapidement. Vous êtes là, dans Jérémie chapitre 29, je vais lire le verset 8 seulement. Vous allez remarquer que dans ce Jérémie chapitre 29, ou bien dans le livre de Jérémie, vous allez remarquer que Dieu va donner à un prophète telle chose, le prophète authentique telle chose, d'aller prophétiser telle chose, les autres sont allés dire autre chose. Même comme ils seront captifs, les prophètes vont toujours venir encore prophétiser la paix, prophétiser ceci. Et il dit à Jérémie, donc d'aller lui dire, à partir du verset 6 en descendant, que prenez les femmes là-bas, bâtissez les maisons, demeurez, c'est pour dire que quoi, que la délivrance n'est pas pour maintenant. Et au verset 9 là-bas, il suivra, il va parler des. Jusqu'à ce que 70 ans va passer, et monsieur, je lui dis, bah, après, il va venir les chercher. Mais regardons le verset 8. Le verset 8 dit, Jérémie chapitre 29 dit quelque chose. Il dit, car ainsi parle. Non, verset 7 déjà, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Remarquez que c'est Dieu qui parle, hein. Dieu dit, je vous ai mené. Les événements sont arrivés, mais sous le contrôle du Seigneur. Et je crois que c'est ce que je parlais, que ce n'est pas normal qu'en tant que chrétien, les événements arrivent et que c'est notre Dieu qui contrôle et ça nous surprend. C'est ici que je disais cela. Ce n'est pas normal que les événements arrivent et que ça nous surprend. Comme le Dieu de l'enfantement surprend une femme et que nous sauvons ces dieux. Nous sommes surpris que, bon, avec le monde, ils crient au désarroi. Je crois qu'on a parlé ici avec le cas d'Isaac qui était dans la famine et puis. On a vu ça, c'est ici qu'on a vu. Maintenant, il dit ici, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du ciel. Je suis ça. Ça veut dire que vous êtes dans une ville, par exemple. S'il y a trouble, si les gens ne vont pas au marché, toi, tu vas voir ton marché. Si les nourritures ne sortent pas de l'ouest pour venir à Douala, tu vas créer ta part. Donc, tu as intérêt parce que ces événements, si ça arrive, tout le monde, au moins, vous vous entraînez dans le jeûne. Si vous faites le jeûne doucement, ou bien, parce que vous ne jeûnez pas, quand le moment arrive, vous serez obligé de jeûner. Et là, vous serez jeûné forcé. C'est pour ça que, ces événements, si ça arrive, les chrétiens qui jeûnent n'auront pas de problème. Ceux qui ne jeûnent pas auront de vrais problèmes. Ils vont subir comme le monde. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Car votre bonheur, il dit, priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Donc, le bonheur du chrétien dépend du bonheur de la ville. Transportant sont dans la dimension du pays. Il va dire, priez pour le pays dans lequel vous êtes, parce que votre bonheur dépend du ciel. On invoque le Seigneur, demandons le Seigneur la force, sa faveur sur le pays, parce que notre bonheur. La solution, ce n'est pas. Et je crois que dans l'ensemble, il veut dire qu'à partir de 2015, qu'il y a des gens qui vont rentrer au pays, croyant que ceux qui sont de rentrer, ils ne savent pas qu'ils sont de rentrer pour la destinée de Dieu. D'autres vont penser qu'ils vont rentrer. Dans un ensemble, ils disent là que 2015, quand tu regardes ici dans cette horloge là, 2015, les gens voyagent. Il dit, j'ai même dit encore dans notre enseignement que je les vois rentrer en foule. Quand ça va chauffer de l'extérieur, bon, de toute façon, ils vont venir comme les oiseaux sur les colonnes. Lorsque vous regardez dans cette sphère, si vous voyez effectivement que ils vont, d'autres personnes disent, il faut que je rentre dans mon pays. Pendant ce temps, si c'est fort, l'autre dit que je sors pour aller à l'extérieur, il faut que je fuis. À l'extérieur, ce sera plus grave. Donc c'est mieux là. C'est mieux là. Il n'y a pas d'endroit permanent sur la terre où quelqu'un peut être tranquille à ce moment avec ce qui se passe dans le ciel. Avec ce qui se passe dans le ciel, il n'y a pas d'endroit permanent où quelqu'un puisse être tranquille. Donc, le seul lieu permanent, c'est que vous comprenez ce que la Bible déclare dans ce livre de 2 Corinthiens 4 et 5, que lorsque notre extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle les jours, et par conséquent, ça veut dire quoi? Il faut qu'on soit fortifié dans l'homme intérieur. C'est parce que le secret, donc il faut être fortifié dans l'homme intérieur. Dans ce livre de Philippiens chapitre 4, verset 6-7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous voyez? Puis il dit que, et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance gardera votre cœur, vous voyez, n'est-ce pas, votre pensée en Christ. Donc ça veut dire que, même si l'inquiétude se trouve à l'extérieur n'importe comment, ton cœur à l'intérieur est en paix. Donc la paix ne veut pas dire la stabilité extérieure. La paix ne veut pas dire la stabilité extérieure. Parce que par suite d'un événement, par suite d'une situation, les données changent à l'extérieur. Mais l'homme qui est en relation avec le Seigneur, que les données, comme on a vu dans le cas d'Élisée où les gens de l'armée sont venus l'encadrer, dans ce livre de 2 Rois, chapitre 7, on a lu la dernière fois, verset 8 et suivant. Vous suivez, n'est-ce pas? Ouais, remarquez très bien qu'il était en paix, malgré qu'il y avait l'armée à l'extérieur qui voulait l'arrêter, pas vrai? Donc c'est ça qu'on entend de vous là, que je veux dire. Alors, je vais dire, lorsque j'ai regardé dans une vision, j'ai vu, j'étais en haut dans un immeuble, c'est comme une espèce de truc comme immeuble, j'étais là, il y avait des choses qui étaient. Ça, quand je suis dans l'immeuble, quand je suis regardé au balcon de cet immeuble là, c'est comme si j'étais censé superviser un travail, suivre attentivement. Et puis ces choses, ça s'est passé à ma gauche, les choses qu'on devait faire. Je ne sais pas comment décrire ceci, mais c'était mal fait, c'était empilé l'un sur l'autre, mais c'était mal fait. Et savait que si ce n'est pas bien fait dès la base, moins de petites choses, ça pourrait. Vous savez, comment je vais prendre cela. Prenez un exemple pour ceux qui. Château de cartes. Ou mieux encore, lorsque vous prenez les plats. Quand les plats sont nombreux et que vous les classez, normalement vous mettez les plus grands en bas et vous mettez bien pour que quand vous portez, même si vous portez, ça n'échappe pas. C'est un exemple qui peut prendre comme ça. Et là, c'était en désordre, en disant que c'était. Donc, vous voyez, ça dandinait un peu comme quelque chose qui était instable. Et puis là, je me plaignais. Puis je guettais en bas pour regarder ceux qui sont en train de travailler. Je dis, mais ça, c'est pas normal que c'est là. Et puis là, j'ai senti qu'il faut qu'il fasse quelque chose moi-même. Je suis descendu donc des escaliers. En descendant, quand ils descendent dans la cour, à ma droite se trouve un des prophètes envoyé de notre temps qui se tient là avec une femme à côté en train d'être de l'interviewer. Et puis je vois, donc quand il descend les escaliers, j'arrive dans la cour, ils sont à ma droite et la chose est encore à ma gauche comme j'étais aux escaliers. Je tente de le, il le regarde, mais on communique, mais c'est pas ceci de communication comme on ne parle pas avec la bouche. Communication au regard. Voilà. Donc quand on lui parle, quand je lui parle en disant, bon, je garde ce qui a été dit, d'accord. Donc il lui demandait que de se tourner vers ce côté-ci. Et ce n'est pas le moment de cette interview, sinon. Ceci est plus important. Il remarquait encore très bien. Il dit que je sens le cause venu face à face. Ils se trouvent à ma droite. Ils sont assis ici à ma droite. Et la chose qu'on est censé faire se trouve à ma gauche. Et ceci n'est pas bien fait. Alors, il dit, ça c'est au Cameroun, ça. Alors, quand je lui ai parlé, comme il est à ma droite, il est à ma droite, il s'est retourné de l'autre côté. Il a fait comme ça. C'est parce que vous me voyez, n'est-ce pas? Il a fait comme ça. J'ai compris ce qu'il voulait par là dire. Je me suis avancé donc pour faire le travail. Donc là-bas, il y a du travail au Cameroun. Bon, ce qu'il en est par rapport à l'église et ce qui a été dit par rapport à cela, je garde certaines choses. Maintenant, deuxième autre chose que j'ai vu depuis et que je suis en suivant ici, c'est l'état des chrétiens, pas non seulement au Cameroun, mais ailleurs. J'ai vu les chrétiens, oh Seigneur, porter des marques. C'est pas la marque de la bête, parce que la marque de la bête, c'est comme on explique que c'est le puce, ça n'a rien à voir avec cela. La marque de la bête, ce n'est pas le puce RFID, ça n'a rien avoir. Ce n'est pas ça dont il est question de la Bible. Mais Jésus avait porté la marque sur leur front. Et tous étaient comme des jumeaux. Vous savez, quand il parle des jumeaux, vous savez, il parle en termes de la ressemblance. Mais physiquement, ils n'étaient pas des jumeaux. Je vais encore expliquer ça avec une donnée pour que vous commencez à comprendre. Vous savez, vous connaissez les enfants, ce qu'on appelle les Mongoliens. Lorsque quelqu'un est normal, on les appelle les Mongoliens. Vous avez remarqué que si vous voyez un Mongolien dans une famille, et un autre Mongolien dans une autre famille, vous croyez que son frère, n'est-ce pas? Il se ressemble, vous voyez, n'est-ce pas? Donc ils avaient une anomalie. Ces chrétiens, ils avaient une anomalie. Je ne vais pas dire cela. Mais en parlant encore, je vois cela. Ils avaient la même anomalie. Mais ça se trouvait plutôt sur le front. Vous voyez? Et là, ils étaient en paix. C'est pas que les gens qui se sont perdus comme les gens qui étaient fous. C'était bien normaux. Ils avaient cette anomalie. Ils se dirigeaient dans n'importe quel lieu de prière. N'importe quel lieu de prière, ils s'en foutaient que ce soit Dieu ou quoi que ce soit. Mais le vrai problème, c'est que dans ce son, j'observais pouvoir. Je savais que ces chrétiens, s'ils sont malades, mais ils ignoraient qu'ils étaient malades. Et en plus, ils ne voulaient pas admettre qu'ils étaient malades. Donc, l'état des chrétiens était comme ça. Ils sortaient, ils entraient ici. On pouvait les voir comment ils sortaient ici. Après ils sortaient, ils entraient encore ici. Après ils sortaient, ils entraient encore ici. Avec la même anomalie. Avec la même anomalie. Je dis, c'est comment? Il faut que ces chrétiens-ci soient délivrés. Ils disent que non, c'est dans la vérité. Ils disent qu'ils cherchaient la vérité. Ils disent, ici il n'y a pas la vérité. Ici il n'y a pas la vérité. Vous me comprenez? Sortez groupe après groupe. Groupe après groupe. Groupe après groupe. Et j'étais observé. En haut là, je les observais. Mais ils avaient une anomalie au niveau de leur front. Au niveau de leur front. Donc vous comprenez. Donc par rapport au Cameroun, donc. Puis il s'agit de nous. Ils sont dit c'est parce que le frère Iba n'est pas disponible pour longtemps. C'est pour ça que les enseignements ne sont pas encore sur le net. Là, il est en mission quelque part. Par rapport au Cameroun, il faut comprendre ça. Ils sont les gars, c'est pour ça que j'en ai anticipé. Donc vous qui essayez, vous commencez à prier. Par rapport au Cameroun, s'il attend qu'il finisse sa mission, parce que sa mission va finir dans un mois, le temps de poser les enseignements sur Bamba pour que les gens en prennent conscience, parce que ça concerne tous les Camerounais. Il y a des gens qui vont quitter le pays venant, croyant qu'ils sont devenus comme ça pour voyager. Ils ne savent pas que ce qu'on a les envoyer. Beaucoup vont entrer, tomber dans la situation. Alors, il faut comprendre. Parce qu'un événement se prépare un samedi, entre un samedi et un dimanche. C'est ce qui était dit, non? Un samedi. Ça, c'est. Il y a des événements. Mais les événements les plus solides, les plus difficiles, c'est en train de se préparer. C'est un samedi et un dimanche. Il faut qu'on le mette dans la prière. C'est entre samedi et dimanche. C'est l'intervalle. Samedi, dimanche. Et donc là, il faut qu'on prie. Il faut qu'on organise des groupes de prière. Comme vous êtes comme ça, selon votre zone. C'est-à-dire que vous êtes ensemble. Supposons que le frère ci et le frère ci et la soeur là sont ensemble dans un coin. Vous choisissez un jeu. Je vais parler des chaînes de prière d'intercession. On ne va pas seulement attendre qu'on est là comme ça pour prier. Parce que sinon, je ne peux pas vous faire confiance en disant que rentrez chez vous, priez pour le Cameroun. Jamais vous ne priez pas parce que même pour vous, même pour dormir, vous ne priez même pas. C'est pas pour le Cameroun que vous allez prier. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Et vous connaissez. Alors, on va former une chaîne de prière. Ou bien des chaînes de prière. Ça, c'est particulièrement pour le lit, pour Dexa, pour maintenant jusqu'à Dexa. Mais il dit, quand Dexa va terminer, là maintenant, on va engager clairement avec cette intercession-là, de façon récurrente. Mais accentuons d'abord ce fin de mois de novembre et le mois de Dexa, parce que c'est chaud en haut là-bas. D'accord? Alors, donc, un groupe de personnes va prendre lundi, l'autre groupe prend le mardi, l'autre groupe prend mercredi, l'autre groupe prend jeudi, l'autre groupe prend vendredi, l'autre groupe prend samedi, l'autre groupe. Les groupes de samedi et dimanche, vous devez vraiment prier. Parce que je vous dis que c'est les événements se passent samedi et dimanche. Samedi, dimanche. Alors, ça veut dire que lorsque ce groupe-ci, ceci, par exemple, comme j'ai cité, j'ai dit, c'est un exemple. Si ils prennent lundi, le soir de lundi, quand ils se regroupent, ils prient pour le Cameroun. Surtout, la repentance que Dieu, que la miséricorde de Dieu parle en notre faveur. D'accord? C'est comme ça la repentance, comme vous avez prié, c'est repentance. Toutes ces choses qui se passent, les injustices, les meurtres qui se passent, les agressions, toutes ces choses de mensonges, la corruption ou là-bas, ce sont les choses qui souillent le pays. Vous devez savoir cela. L'homosexualité, la prostitution, toutes ces choses-là, ce sont les choses qui souillent le pays. Et souvenez-vous, la Bible parle, Dieu utilise l'expression, le pays va vous vomir. Vous avez vu ça dans la Bible? Le pays va vous vomir. Ses occupants ne sont pas dignes, alors le pays va vous vomir. Ça peut vomir toute une génération. Vous vous souvenez dans Genèse 15, l'iniquité des Amoriens n'est pas encore entrée à son corps. Vous vous souvenez ça, n'est-ce pas? Donc, ils sont dans le péché, ils sont dans le corps. personne ne s'en rend compte, donc il y a un degré où Dieu va frapper. C'est pour cela que si on n'est pas en état d'aller avec le Seigneur, des choses vraiment vont arriver, ça nous balaie. Donc il faut qu'on fasse attention. Il dit l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Or, les Amoréens n'ont pas eu de messager pour qui va aller là-bas pour leur dire que faire attention avec le péché, pas vrai? On nous donne le renseignement qu'ils sont des péchés là-bas, mais Dieu en a fait pécher, il attend que ça arrive à un niveau. Il ne faut pas que le Cameroun franchisse la ligne rouge. Il ne faut pas qu'on franchisse la ligne rouge. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Écoutez très attentivement maintenant. Il y aura une marque sur le front de tous ceux qui servent Dieu dans cette nation pour les préserver. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Il y aura une marque sur le front de tous ceux qui servent le Seigneur. Pas que ceux qui disent que je suis serviteur du Seigneur. Non. Ceux qui le servent. Pas serviteur du Seigneur par titre, par bavardage. Ceux qui sont à l'œuvre. Parce que quand il dit ici, recherchez le bien de la ville, recherchez le bien du pays dans lequel vous êtes. Il vous a amené en captivité. Et invoquez l'Éternel en sa faveur parce que votre bien-être dépend d'elle. Écoutez l'instruction qu'il a dit de donner. Donc Dieu dit, il va mettre la marque sur le front de tout cela. C'est pour dire quoi? Ça veut dire qu'il va protéger. Il va venir. Il dit que si la calamité vient, ça va distinguer qui ça va frapper. Vous me suivez? Okay. Travaillons pour le Cameroun. Ne vous attendez pas, ce n'est pas un truc de travail où on va mettre la médaille d'honneur, que valeureux guérir. Non, ce n'est pas ici que ça se passe. Ce n'est pas ici la récompense se passe. Plus tard que les gens viennent s'asseoir quelque part, que nous sommes les artisans du Père, les artisans de ceci, les artisans d'ici. Restez tranquille. Notre récompense est au ciel. D'accord? Notre récompense est d'avancer pas. On ne fait pas ça pour être vu. Dans la maison, donc, prions. Donc, faites-vous des groupes. Quoi qu'après ça, le frère Achille, à partir de maintenant jusqu'à dimanche, vous allez vous constituer. Qu'on sache qui est dans quel groupe, qui est dans tel groupe, vous choisissez. 2, 3, 4, d'accord? Chacun a son jour. Quand c'est lundi, sachez que lundi, vous allez prier pour le Cameroun. Vous priez véritablement pour le Cameroun. Sachant que mardi, vous ne priez pas pour le Cameroun. C'est d'autres personnes qui sont en train de prier pour le Cameroun. Mercredi, c'est un autre groupe qui est en train de prier pour le Cameroun. Comme ça, on se rassure qu'on va prier chaque jour pour le Cameroun. Parce que si vous dites, venez, c'est chaque jour. On prie pour... Mais c'est pas comment le Seigneur va conduire ça. Mais en décembre, il s'agit de regarder un décembre qu'on va passer toute une nuit ou bien des nuits dans cette intention. Parce que sinon, c'est le deuil. C'est le deuil. Regarde le drapeau. Voici le drapeau qui est baissé. Sinon, c'est le deuil. Bonne soirée. Merci.